fais une pause. On va faire une pause parce qu'on est en retard. On va se laisser sur les questions, par exemple, qu'on pose aux gens du Dream Team. Quand on veut être sûr que les filles ont les bonnes réponses aux bonnes questions pour vérifier leur intellect. C'est un peu comme le Miss America, là, quand t'as pas juste le swimsuit pageant, là, il y a des séries de questions qui sont posées à la future Miss Amérique. C'est la même chose pour le Dream Team. Hein? C'est ça? Oui, c'est la même chose pour le Dream Team. Qui est Stéphane Gendron? Je sais pas, c'est-tu lui qui a des sacrés dans son salon? Le calendrier Dream Team Summum Radio X. Nomme-moi deux mammifères. C'est quoi des mammifères? Des écureuils, des marmottes, je... C'est quoi des mammifères? Qui est Georges Larac? C'est un joueur de hockey, mais maintenant il vend des extracteurs à jus. Qui est Michael Applebaum? Hey boy, aucune idée. Où est la tour du CM? À Montréal. Qui est Georges Larac? Un joueur de hockey. Parfait. Quel est le nom de la première ministre du Québec? Aïe, je sais même pas. Qui est Michael Applebaum? Un chanteur. Qui est Michael Applebaum? Un coca? Michael Applebaum, ouais. C'est qui? Il a pas été politicien. Il fait pas les émissions à la télé, ouais. Qui est Stéphane Gendron? Aucune idée. Est-ce que tu peux me dire dans quelle ville auront lieu les prochains Jeux olympiques de Sochi? Sochi, non, Vancouver, non, c'est un jeu. Grèce. Le calendrier Dream Team Summum Radio X.